s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, on va faire une émission autour du thème de l'écologie. Donc, je suis avec Ahmed. Bonjour. Et je suis avec Brittany aussi. Salut à tous. Donc Ahmed, c'est un volontaire au sein de l'association Coexister. C'est quoi ton rôle exactement ? D'organiser des événements, des réunions. Très bien. Et toi, du coup, Brittany, t'es service civique au sein de Coexister. Donc première question, est-ce que vous définissez comme quelqu'un d'écologiste ? Pour ma part, je dirais oui et non, étant donné que j'essaie de faire le mieux possible. Par exemple, je trie, etc. Mais je fais pas partie d'associations écologistes ou alors je suis pas non plus à fond dedans, quoi. Mais genre, tu tries pas forcément tout le temps, quoi. Genre, si je trie tout le temps, par contre, ça, je fais toujours attention de bien trier, par contre, ça, oui. Ok, ça marche. Et toi, Ahmed ? Moi, j'essaie de temps en temps de devenir écologiste pour sauver l'environnement. Selon vous, c'est quoi l'écologie ? L'écologie, pour moi, ce serait de faire tout pour que la planète aille mieux, entre guillemets. Donc, essayer de bien trier, de ne pas polluer, etc. Parce que là, c'est un peu critique, la planète, quoi. C'est à peu près de ce que Brittany vient de dire. Et c'est toutes les actions qui aident à sauver la planète et à diminuer la pollution. Pour moi, j'essaie de ne pas consommer de plastique. Et t'as d'autres choses que tu fais pour essayer de pas trop polluer ou des choses comme ça ? De marcher à pied à lieu d'utiliser la voiture. C'est une solution aussi. Est-ce que vous pensez que l'écologie, c'est une des questions les plus importantes de nos jours ? La plus importante, non, mais oui, elle est super importante vu de la situation actuelle. Mais ouais, c'est une question super importante et je trouve qu'on devrait plus en parler. Et quand tu dis pas la plus importante, t'as d'autres questions qui pourraient être importantes au même niveau que... Il y a le réchauffement climatique, mais ça va un peu avec l'écologie. Bah, il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément dans le monde. Il y a par exemple la pauvreté, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde, mais l'écologie, ça fait partie des questions les plus importantes. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et toi, Ahmed, tu penses quoi ? Je pense que cette question est super importante parce que depuis une dizaine d'années, ce n'était pas important, mais aussi on doit subir les conséquences de le réchauffement climatique, le gaz à effet de serre. Pour toi, du coup, c'est quoi les conséquences un peu du réchauffement climatique ? L'augmentation de la température. Peut-être on pourrait citer, hors réchauffement climatique, niveau pollution, certains fleuves qui sont extrêmement pollués, les glaciers qui fondent, le pôle Nord et le pôle Sud qui fondent aussi à cause de la montée des températures. Et est-ce que vous auriez trois gestes un peu écolos qu'on pourrait faire tous les jours et qu'on pourrait conseiller aux autres ? Bah pour moi, je dirais, par exemple, quand on se lave les dents ou on se lave les mains, faut bien penser à éteindre le robinet, pas laisser l'eau couler, quoi. Bien trier ses déchets et privilégier, oui, par exemple, le vélo ou la trottinette pour se déplacer, quoi. Baisser sa consommation d'eau et puis de favoriser les déplacements, par exemple, qui sont plus écologiques, ouais, dans le sens où il n'y a pas d'énergie fossile qui est dépensée ou quoi, et qui pollue le moins possible, quoi. Voilà. Et toi, Ahmed, tu pourrais me dire trois gestes qui sont un peu écolos ? Par exemple... diminuer la consommation de plastique, utiliser par exemple les séchets et marcher à pied à lieu d'utiliser la voiture. Donc on en revient un peu à la même chose, c'est qu'il faut, essayer de limiter son impact à notre échelle. De toute façon, on ne peut pas faire énormément plus, mais ouais, en essayant de limiter la consommation d'eau, de limiter les transports... solo en voiture par exemple, favoriser à pied ou en vélo, etc., ou les véhicules électriques ou aussi les transports en commun, ça peut être une solution pour éviter ou pour baisser son empreinte carbone, du moins. Et puis aussi, c'est important de trier pour favoriser le recyclage, pour que à la fin il y ait moins de déchets qui se perdent, entre guillemets, pour pouvoir encore une fois avoir moins d'impact sur l'environnement. Et du coup, qu'est-ce qui selon vous pollue le plus en ce moment dans le monde ? Les voitures, les transports, etc., il y en a de plus en plus. Et les gens, maintenant, ils prennent la voiture pour tout et rien. Par exemple, s'il y a un magasin à 1 km ou quoi que ce soit, ils vont prendre la voiture plutôt qu'aller se balader. Et c'est dommage. Et toi, Ahmed ? Les voitures, la consommation de plastique, le gaspillage de l'eau.

Et toi, t'en penses quoi, Ahmed? Je pense que l'idée d'utiliser les médias et les réseaux sociaux, c'est une bonne idée pour présenter à tout le monde les conséquences pour des petites actions à ses yeux. Parce que ces petites actions ont un grand impact sur l'environnement, comme jeter une petite papier par terre ou gaspiller un peu plus de l'eau. Et comment concrètement on pourrait amener ça dans les écoles par exemple? Par exemple à la primaire on peut amener ça par sorte de jeu ou alors de petites activités. Après pour les plus grands je pense que faire de la sensibilisation, leur expliquer ce que ça peut faire de laisser un papier par terre, etc. Je pense que ça pourrait leur montrer les conséquences aussi du réchauffement climatique. Ouais, montrer concrètement ce que ça fait de polluer, etc. Ouais, et donner des exemples concrets, ça pourrait aider les gens à leur faire prendre conscience, quoi. Voilà, c'est ça. Autre question, est-ce que vous consommez, mangez local ou bio? Alors j'essaye le plus possible de prendre local, de prendre bio. En particulier des œufs, généralement, je les prends bio, mais étant donné que je suis étudiante, je trouve que c'est beaucoup plus cher d'acheter bio, d'acheter local, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais quand je peux, j'essaye d'acheter bio et local. Oui, c'est vrai qu'il faut dire quand même que le bio et le local, enfin surtout le bio, c'est un sacré coût, et que c'est pas forcément disponible à toutes les bourses, quoi. Mmh. Et toi, Ahmed? Malheureusement, je ne consomme pas les produits locaux ou bio, mais j'essaierai de le faire plus tard, peut-être. Très bien. Personnellement, je pense qu'il faut surtout privilégier la consommation locale plutôt que bio, parce que je pense que c'est important qu'il y ait des circuits courts entre les agriculteurs et les commerçants. Ça permet aussi de favoriser le commerce local, quoi, de nos régions, etc. De consommer de saison aussi, ça peut être important, dans le sens où on n'importe pas des fruits qui viennent de je ne sais où, qui viennent d'Espagne ou de Chine. On peut aussi éviter de manger des fruits un peu exotiques trop souvent, par exemple des avocats, ça vient de régions qui sont en proie à des guerres de cartels, ça c'est acheminé souvent par bateau, et c'est quelque chose qui pollue beaucoup. Ça peut être une bonne chose, de niveau fruits et légumes, déjà, de consommer localement, des agriculteurs de nos régions, etc. Par exemple, aller dans les marchés, ça peut être intéressant, et même voire moins cher des fois. Et en ce qui concerne la viande aussi, ça peut être super intéressant de privilégier des éleveurs qui, en plus de travailler dans les régions, prennent soin de leurs bêtes et font le plus possible pour pas avoir de gâchis, et qui aussi traitent bien leurs bêtes sans les élever en surnombre, qui les traitent bien tout au long de leur vie, qui les nourrissent bien, etc., sans les maltraiter ou quoi. Du coup, c'est important de quand même beaucoup plus privilégier le local, parce que ça reste quand même plus important, un peu mieux écologiquement parlant, et aussi quand même... vraiment bien au niveau du commerce local, de faire vivre les agriculteurs locaux, etc. Par exemple, il y a un site internet qui permet de prendre contact ou de voir les éleveurs bouchers des différentes régions de France, et ils vendent des colis de viande, par exemple, de plusieurs dizaines de kilos, et une fois que toute la bête est vendue, ils l'abattent, et comme ça, il n'y a pas de perte de viande, de gâchis, et tout est envoyé après sous vide, sous 24 heures, etc. Ça peut être congelé et tout. Et c'est vraiment une solution super intéressante pour avoir de la viande de qualité, avec un certain suivi de... Enfin, on sait d'où la viande vient, on sait où ça a été abattu, etc. On sait comment elle a été élevée. Et ça peut être plus intéressant que d'acheter ça dans un supermarché ou quoi. Et pour rebondir là-dessus, il y a une application aussi qui consiste à scanner les aliments, ou alors... oui, les aliments. Et ça nous dit toutes les propriétés qu'il y a dedans, si c'est bon pour le corps, si c'est bon pour l'écologie, etc. Et elle n'est pas très très connue, et il faudrait que les gens l'utilisent plus. T'as le nom de l'application? Ouais, l'application c'est Yuka. Yuka. Et on peut aussi, en parlant d'application, on peut parler de Too Good To Go. C'est une application qui permet d'acheter des invendus beaucoup moins chers. Par exemple, il y a des restos à volonté qui, à la fin de la journée, doivent jeter. Donc ils font des paniers repas qu'on peut acheter genre pour 7 euros, et on a vraiment un bon panier repas, et ils nous donnent les restes au lieu de les jeter. Et ils font ça pour presque tous les commerces. Par exemple, tu peux faire... Il y a des paniers courses qui sont vachement moins chers, avec des dates courtes. Il y a... les buffets à volonté où ils donnent les restes de nourriture, il y a les boulangeries, etc. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment intéressant pour limiter le gâchis, plutôt que de consommer directement dans les restaurants. L'application s'appelle Too Good To Go. Et enfin, dernière question, est-ce que vous pensez qu'on parle assez d'écologie dans les médias aujourd'hui ? Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, non. Enfin, en ce moment, un petit peu plus, mais c'est vrai que par rapport à quelques années, oui, on en parle plus, mais je pense pas qu'on en parle assez, parce que là, ça devient assez critique, et je pense que les gens ne s'en rendent pas vraiment compte, étant donné que les médias n'en parlent pas beaucoup. Donc, faudrait plus en parler sur les médias. Je pense qu'on ne parle pas assez de l'écologie dans les médias, et je pense que qu'on doit, par exemple, faire quelque chose que les publicités sur les médias, par exemple, d'organiser une émission radio qui parle uniquement de l'écologie, par exemple. Ah, ça peut être intéressant à faire. Après, je trouve qu'on en parle quand même un petit peu. Par exemple, dernièrement, il y a quelque chose qui a été voté. C'est dans les pubs de voitures. En gros, ils doivent mettre dans les mentions en bas comme quoi il faut favoriser quand même la... Enfin, c'est comme le manger 5 fruits et légumes par jour, là. Sauf que là, c'est pour les voitures et il faut favoriser le covoiturage, etc. pour essayer de moins polluer. Donc je pense quand même qu'ils mettent... ils essayent d'en parler un peu plus, même si c'est quand même pas beaucoup mis en avant. Il y a l'application BlaBlaCar, par exemple. Ouais, ça permet de faire des voyages... des voyages longs ou courts, ça dépend, mais en covoiturage avec d'autres personnes, et ça permet de prendre une seule voiture pour plusieurs personnes. Déjà, ça partage les frais d'essence, etc. Et en plus de ça, ça permet de moins polluer, vu qu'il y a quand même moins de voitures sur les routes si plus de monde se met à faire du covoiturage, etc. Et une autre question qui me vient, qu'est-ce que vous pensez des énergies renouvelables, les éoliennes, le solaire, etc. Et est-ce que vous pensez que c'est une solution ? Je pense que c'est l'énergie renouvelable. Je pense que l'énergie solaire est une excellente solution pour qui peut remplacer l'électricité, par exemple. Mais je connais pas une solution pour les voitures et les véhicules. C'est un peu plus dur de trouver un substitut. Après, les transports en commun ou les véhicules électriques directement, tu vois. Aussi. Et toi, Brittany, t'en penses quoi ? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais par exemple, pour les éoliennes, il y a beaucoup d'avis qui divergent là-dessus. Les éoliennes, dans un sens, ça peut être bien, mais dans un sens, non, parce que ça utilise beaucoup d'autres énergies pour les faire fonctionner, et je pense pas que ce soit non plus ultra rentable. Oui, et puis pour le coup, on parle surtout... on parle des éoliennes, mais je trouve qu'on parle pas assez des choses qui sont un peu contre cette idée-là. Par exemple, le fait que quand même une éolienne, ça pollue quand même assez, parce que ça fonctionne avec des batteries, et les batteries, c'est pas éternel, quoi. Ensuite, on n'est pas hyper fort pour stocker de l'électricité, donc sur le long terme, c'est quand même assez difficile. En plus de ça, quand même, le fait de faire l'éolienne en soi, c'est quand même assez polluant, parce que... il y a quand même l'acheminement, il y a la fabrication, etc. Surtout qu'en plus de ça, une éolienne, c'est pas recyclable. Ce qu'ils font des pales après, c'est qu'ils les enterrent. Donc je trouve pas ça très écologique. Et en plus de ça, pour produire assez d'électricité, il faut quand même des surfaces énormes d'éoliennes. Et en plus de ça, c'est quand même un sacré danger pour la diversité. Par exemple, ça peut nuire aux oiseaux, etc., qui peuvent se faire tuer dans les pales. Et puis on parle pas aussi du fait que les éoliennes, c'est quand même ancré dans le sol avec des centaines de tonnes de béton pour pouvoir qu'elles tiennent, et c'est quand même assez polluant, le béton aussi. Mais du coup, ce qu'on pourrait favoriser comme énergie renouvelable, ça serait plus les éoliennes mais maritimes, parce que déjà il y a plus de vent, il y a moins de risques qu'il y ait des animaux. On peut favoriser le géothermique ou les barrages électriques aussi. Je pense que le nucléaire aussi, ça reste une des meilleures, entre guillemets, sources d'énergie de nos jours, parce que rapport quand même taille et production, ça reste une des meilleures. Niveau déchets, c'est vraiment minime, même si c'est nucléaire, ça reste minime comme déchet, etc. Et ça reste quelque chose de plus propre et plus sûr, entre guillemets, pour produire de l'énergie en masse, comme on en a besoin. Et ça serait, enfin, faudrait énormément de choses renouvelables, enfin d'éolien, etc., pour pouvoir égaler la production en nucléaire, etc. Surtout que, si on prend l'exemple de l'Allemagne, qui ont fermé les centrales nucléaires, etc., et qui se basent plus sur l'énergie solaire, les éoliennes, on voit qu'ils bah, polluent beaucoup plus parce qu'ils sont obligés de réouvrir leurs usines à charbon, vu que les éoliennes et le solaire, ça dépend du temps que ça ne peut pas produire non-stop et des grandes quantités d'énergie tout au long du temps. Donc ils sont obligés de, du coup, rallumer les centrales à charbon pour pouvoir compenser cette perte, quoi. Un petit mot de la fin pour conclure. Pour conclure, je dirais essayer de trier, essayer de faire le plus possible pour la planète, parce que c'est pas que pour nous, c'est aussi pour vos enfants. Alors si ça continue comme ça, ça va que se dégrader, et si tout le monde fait son petit geste, je suis sûre que ça pourrait aller mieux. Donc voilà, essayer de faire le plus possible pour l'écologie. Je veux dire qu'on estime pas bien les conséquences de nos actions qui sont contre notre planète, et on subit couramment ces conséquences aujourd'hui. Très bien. Je pense que il faut quand même prendre conscience que on a tous notre petite part à jouer, etc. Donc même les petits gestes du quotidien, le covoiturage, le fait de consommer local, le fait de favoriser les énergies renouvelables, le fait d'essayer de consommer plus intelligemment sans surconsommer, etc. Ça peut être très intéressant pour essayer de limiter à notre échelle l'empreinte qu'on a. C'était votre émission Co-Exprime avec Brittany et Ahmed. On se retrouve dans 2 semaines pour Co-Exprime, une émission entre jeunes de différentes convictions.